comme si ma parole ne comptait pas. Tu penses avoir la science infuse, même quand tu as tort, toi on te contredit pas. J'en ai marre, j'en ai assez, mais faut assumer, même quand ça va pas. T'arrêtes pas de me presser, tu veux que je te mette la balle au doigt. Doucement, arrête ce petit jeu, viens on fait doucement, me force pas la main. Doucement, si tu veux qu'on reste ensemble, faut faire doucement, me force pas la main. Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, mi amor, mi amor, hey. Combien de temps je vais supporter tes sauts d'humeur? J'ai pas signé pour ça. Range ton ego et ta fierté, j'suis plus d'humeur à encaisser tout ça. Tu me dis tout le temps que l'amour c'est pas forcé, que tu ne me retiendras pas. Parce que tu sais que c'est impossible, quoi qu'il arrive, moi je ne te lâcherai pas. Doucement, arrête ce petit jeu, viens on fait doucement, me force pas la main. Doucement, si tu veux qu'on reste ensemble, faut faire doucement, me force pas la main. Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, mi amor, mi amor, hey. Doucement, arrête ce petit jeu, viens on fait doucement, me force pas la main. Doucement, si tu veux qu'on reste ensemble, faut faire doucement, me force pas la main. Doucement, viens, viens on fait, me force pas la main. Pour faire doucement, me force pas la main. Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mi amor, pourquoi tu fais ça?